Le corps enfermé, l'esprit s'évade par la pensée. Libéré par l'espoir, paix au peuple offensé. Système français au cœur du pénitencier. Ça fait plaisir frérot, j'ai de retour, dealer. 1-1, 004, 005. Cheer de retour, gloire à nos coins, gloire à nos tours. Dis-leur que je suis revenu, que j'ai payé ma dette, que je veux du hip-hop sur mes revenus. Dis-leur que le décor me pousse toujours autant à écrire. Hommage aux frères forts, pierres et ceux qui portent le numéro des crews. Dis-leur que je baisse le boss, la femme du boss, celui qui bosse avec le boss. Dis-leur que c'est quand je suis dans le gouffre qu'ils apprécient. Dis-leur qu'ici y'a tant de rage, c'est ce qui rend nos frères agressifs. C'est le chir sarbi. Dis-leur que je viens donner le sah, que j'écris mon art avec mon cœur et mon sang. Alcim, fais-en un nique sa mère, le mirador. Beretta, faut que les mecs et que les miss adorent. Yeah. Dis-leur qu'il y a du monde et que j'emmerde le monde. Dis-leur que je fais partie de ces mondes qui aiment ce qui monte. Génération, casse pas la tête, mon pote. La vie baisse là et surtout ne baisse pas la tête. Peu de courage dans mes textes, vu la rage dans mon esprit. Seul dans ma tête, mais pas seul quand je m'exprime. Attends que je t'explique, ma peine je l'ai purgée. Je suis de retour et seul tu peux me juger. Peu de courage dans mes textes, vu la rage dans mon esprit. Seul dans ma tête, mais pas seul quand je m'exprime. Attends que je t'explique, ma peine je l'ai purgée. Je suis de retour et seul tu peux me juger. S'ils pensent que j'avais rendu l'âme, non. S'ils pensent que j'avais rendu l'âme, non. Dis-leur qu'ils se trompent. Dis-leur que je viens rendre hommage aux frères et aux potes. Yeah. Dis-leur que je vais pas me livrer, que je vais faire hagra au but. Dis-leur que je suis de retour, encore plus enragé qu'avant. Dis-leur qu'ici on s'avoue et qu'il y a du texte à vendre. Dis-leur que j'ai déjà fait craquer l'instit, que ma vie c'est destin, que je vis l'instant et que j'agis par instinct. Dis-leur de voyelle et de consonne. Dis-leur que c'est à monter, que ceux d'ici se consolent. Dis-leur que je suis pas là pour faire le beat ni la pute. Dis-leur qu'on assume, qu'on s'appelle, qu'on aime le risque et qu'on agit sans consigne. Dis-leur que je suis de retour et qu'il y a du souci à se faire. Dis-leur de ranger leur compte, leur fable et tout leur blasphème. Dis-leur qu'on se fout de leurs commentaires, que même à terre on gardera la foi jusqu'à ce qu'on nous enterre. Peu de courage dans mes textes, vu la rage dans mon esprit. Seul dans ma tête, mais pas seul quand je m'exprime. Attends que je t'explique, ma peine je l'ai purgée. Je suis de retour et seul tu peux me juger. Peu de courage dans mes textes, vu la rage dans mon esprit. Seul dans ma tête, mais pas seul quand je m'exprime. Attends que je t'explique, ma peine je l'ai purgée. Je suis de retour et seul tu peux me juger. Dis-leur d'arrêter de se mentir. Dis-leur que le monde part en couille. Dis-leur que je suis pas mort. Le chir de retour. Faut que j'avance en évitant le pire. Courage dans mes textes, vu la rage dans mon esprit. Seul dans ma tête, mais pas seul quand je m'exprime. Attends que je t'explique, ma peine je l'ai purgée. Je suis de retour et seul tu peux me juger. Courage dans mes textes, vu la rage dans mon esprit. Seul dans ma tête, mais pas seul quand je m'exprime. Attends que je t'explique, ma peine je l'ai purgée. Je suis de retour et seul tu peux me juger. Courage dans mes textes, vu la rage dans mon esprit. Seul dans ma tête, mais pas seul quand je m'exprime. Attends que je t'explique, ma peine je l'ai purgée. Je suis de retour et seul tu peux me juger. Yeah.